Comment dira-t-on « je vous l'apporterai »,« je vais vous l'apporter »? Ich werde. Ich werde. Encore une fois. Ich werde. Ich werde. Oui, donc « je vous l'apporterai ». Ich werde Ihnen es... Ihnen pour à vous, oui. Mais pour dire « je vous l'apporterai » en allemand, on dira « je l'apporterai à vous », c'est-à-dire... Ich werde es Ihnen... Oui, donc « je l'apporterai à vous ». Apporter, c'est... apporter de quoi boire et manger pour faire la bringue ? Bringen. D'accord. Ich werde es Ihnen bringen. Et maintenant, comment direz-vous quand pouvez-vous me l'apporter? Wann pouvez-vous? Können Sie? Oui. Wann können Sie? Quand pouvez-vous me l'apporter, c'est-à-dire l'apporter à moi? Es mir bringen? Wann können Sie es mir bringen? Et quand voulez-vous me l'apporter? Wann wollen Sie? Oui, alors, quand voulez-vous me l'apporter? Wann wollen Sie es mir bringen? Bien. Wann wollen Sie es mir bringen? Et quand me l'apporterez-vous? Wann werden Sie... Encore une fois? Wann werden Sie... Très bien. En effet, avec « nous » et « vous », le « vous » de politesse, on retrouve le « n » final de l'infinitif. Werden, oui. Alors, quand me l'apporterez-vous? Wann werden Sie... Me l'apporter? Wann werden Sie es... mir bringen? Bien. Wann werden Sie es mir bringen? Et maintenant, comment direz-vous quand pouvez-vous me l'apporter? Car j'en ai besoin aujourd'hui. Commençons par quand pouvez-vous me l'apporter? Wann können Sie es mir bringen? Wann können Sie es mir bringen? Oui, car j'en ai besoin aujourd'hui. Car j'en ai besoin aujourd'hui, ça sera... Denn. Denn, c'est bien ça. Denn, j'en ai besoin aujourd'hui. Ich. Pensez au verbe fumer, précédé d'un B. Alors, j'en ai besoin... Brauche. Brauche, encore une fois. Brauche. Brauche. Donc, j'en ai besoin... J'ai besoin de cela. Es. Aujourd'hui. Heute. Heute. Donc, wann können Sie, quand pouvez-vous, me l'apporter car j'en ai besoin aujourd'hui? Wann können Sie es mir bringen? Denn, car, ich brauche es heute, j'en ai besoin aujourd'hui. Et maintenant, quand en avez-vous besoin? Wann brauchen Sie? Quand en avez-vous besoin? Quand avez-vous besoin de cela? Es? Wann brauchen Sie es? Wann brauchen Sie es? Oui. Quand voulez-vous l'avoir? Wann wollen Sie es? Ça, c'est quand le voulez-vous. Mais je vous ai demandé, quand voulez-vous l'avoir? Wann wollen Sie es? Haben? Bien. Wann wollen Sie es haben? Je veux l'avoir aujourd'hui, car j'en ai besoin. Je veux. Ich will. Ich will. Je veux l'avoir aujourd'hui. Ich will es heute haben. Heute. Ich will es heute haben. Bien. Ich will es heute haben, car j'en ai besoin. Denn ich brauche es. Ich brauche es. Oui. Alors, je veux l'avoir aujourd'hui car j'en ai besoin. Ich will es heute haben, denn ich brauche es. Ich will es heute haben, denn ich brauche es.